Voilà, c'est l'intempestive. Alors, on est avec Emmanuel Blanchard, bonjour. Bonjour. Donc, je vous laisse vous présenter. Oui, je suis historien et militant au GISTI et au sein du réseau Migrer Europe qui défend les questions de droits des étrangers à la fois en France et en Europe et même au-delà dans les trajectoires de ceux qui viennent jusque vers le dit vieux continent. Donc le GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés, qui apporte notamment un fort soutien juridique aux étrangers sans papier, voilà. Et qui, c'est l'objet de l'entretien aujourd'hui, le GISTI, qui publie une revue qui s'appelle Plein Droit, qui est une revue trimestrielle, et qui vient de faire deux numéros, donc celui de juillet 2009 et celui d'octobre 2009, sur le thème « La police et les étrangers ». Donc déjà, tout simplement, pourquoi avoir choisi ce thème-là, de mettre en lumière ce thème-là, ce qui est un signal assez fort, et pourquoi y avoir consacré deux numéros? Les raisons sont sans doute multiples. Il y a une actualité immédiate qui a été la réapparition dans l'espace public depuis quelques années d'arrestations collectives que les militants ont appelées rafles et que nous sommes nombreux à appeler rafles, qui ont rendu visible une pression policière plus forte, qui est liée notamment à de nouveaux objectifs chiffrés en matière de police et notamment d'expulsion d'étrangers, qui faisait qu'il y avait une actualité immédiate à essayer de décrypter et de dénoncer ce phénomène qui était de plus en plus visible. D'une manière plus générale, Plein Droit est la revue d'une association composée de beaucoup de juristes, mais pas simplement. Et il y a toujours l'attention dans cette revue à ne pas s'intéresser au seul droit, mais à s'intéresser à la fois aux pratiques sociales autour du droit, à la façon dont il est appliqué, interprété, voire contourné. Et de ce point de vue-là, l'institution policière est une institution clé, puisque c'est le premier maillon d'une prise en charge pénale qui peut mener jusqu'à un certain nombre de sanctions, de procès, d'incarcération, que sais-je encore. Et qu'au niveau de la rue, ce sont d'une certaine façon les policiers qui sont les garants d'un certain état de droit et aussi d'un certain état du droit qu'ils peuvent soit contourner, soit appliquer. Et donc c'est vraiment quelque chose qui nous paraissait extrêmement important, d'où cet accent mis avec deux numéros, à la fois pour des raisons très contemporaines, très politiques, pourrait-on dire, mais aussi pour une manière plus générale d'appréhender le droit et la façon dont il est mis en œuvre. Et alors, précisément, on va revenir sur les thématiques, les différentes thématiques abordées à travers ce double dossier. Mais vous êtes historien, est-ce qu'on peut, pour commencer, vous faites état, en fait, en accordant une telle importance à cette thématique, d'une évolution particulière, enfin d'une spécificité de la période actuelle, le fait qu'actuellement, voilà, il y a une problématique autour de la police et des étrangers. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les périodes précédentes? Bon, on va pas remonter jusqu'au XVe siècle, mais en remontant simplement au XIXe, par exemple, quelle a été l'évolution, en gros, de la pratique policière vis-à-vis des étrangers et du discours de l'État encadrant justement cette pratique policière? Oui, alors il est souvent difficile de faire des généalogies longues sans trop simplifier, mais ce qu'on peut commencer par dire, c'est que de tout temps, renvoyant à l'histoire contemporaine de l'immigration, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, on pourrait remonter jusque-là, la première figure à laquelle a été confronté l'étranger, la première figure de l'État, a souvent été incarnée par le policier, que ce soit à la frontière ou bien plus souvent au-delà des frontières, une fois que les étrangers étaient eux-mêmes entrés, la figure du policier a toujours été une figure clé. Donc là, il y a un point d'entrée dans cette problématique qui est particulièrement intéressant et que nous devons développer. Après, la question de savoir est-ce qu'on est à un moment spécifique de ces interactions, de ces relations entre police et étrangers. C'est toujours difficile si on s'intéresse encore une fois au temps long, mais il est évident, par exemple, que depuis une petite dizaine d'années, depuis le début des années 2000, nous allons dire, on observe un nouveau raidissement dans ces relations entre police et étrangers, en tout cas dans la visibilité de ces relations et dans la façon dont la police est présentée comme une institution cardinale chargée de la gestion de la présence sur le territoire des étrangers. En effet, pendant longtemps, il a été dit que la France n'avait pas de politique d'immigration, mais qu'elle n'avait qu'une police de l'immigration. C'était une analyse d'un historien qui s'appelle Jean-Charles Bonnet, qui parlait de la période de l'entre-deux-guerres, où justement, à une époque où l'État n'avait pas complètement problématisé, pensé ses politiques publiques de l'immigration, il n'y avait pas par exemple de politique de l'intégration, pour prendre un langage contemporain, c'était vraiment la police qui était chargée d'une certaine façon, dans les moments les plus critiques, de gérer ces questions de flux, de droits, d'entrée, d'expulsion, avant que d'autres institutions aient pris d'une certaine manière le relais, même si le relais n'a jamais éclipsé totalement la police. Et dans la seconde moitié du XXe siècle, en tout cas après 1945, il y a eu une prise en charge administrative de l'immigration qui s'est étoffée et qui a fait que finalement la police n'était plus l'institution, peut-être la principale en charge de la politique d'immigration, même si le policier restait une figure très importante pour les étrangers eux-mêmes dans leur rapport quotidien. Et on peut dire que depuis justement le petite dizaine d'années, depuis le début des années 2000, ce changement, c'est qu'à nouveau, la police apparaît comme une administration clé dans le discours même des institutions, qui, même si continue de parler de politique d'intégration, ont beaucoup réformé, détruit même les institutions qui existaient de ce point de vue-là, pour se concentrer sur un discours de contrôle qui passe par une intervention policière accrue. Vous faites notamment un papier dans le premier numéro de Plein Droit sur la question de la rafle, parce que y a une certaine crispation autour de l'utilisation de ce terme par les militants et par un cercle plus élargi du côté de l'État, qui considère l'usage de ce terme comme diffamatoire. Et vous revenez, vous, sur la rafle en tant qu'outil, en tant que pratique policière. Et vous rappelez notamment la forme qu'elle pouvait prendre au XIXe siècle ou bien dans le courant du XXe siècle. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus? Oui, bien sûr. Alors effectivement, vous avez raison de le noter. Si problème il y a autour de la notion de rafle, c'est avant tout un problème sémantique, un problème lié à une mémoire de certaines rafles qui a éclipsé finalement une technique policière qui préexistait largement à ces moments. Et je le repréciserai, puisque nous parlons bien sûr des rafles du Veldiv de juillet 1942 notamment, en cas de des rafles de la Seconde Guerre mondiale, ces rafles n'étaient pas au sens technique policier des rafles, et nous y reviendrons. Qu'est-ce qu'une rafle pour la police, et avant de dire les populations ciblées, c'est le fait d'intervenir en masse dans l'espace public pour mener des arrestations collectives qui vont être le préalable à un tri des individus arrêtés. Et c'est une pratique qu'on retrouve depuis que la police en uniforme existe à Paris, par exemple, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, et depuis que cette police en uniforme est notamment chargée de la gestion des espaces publics et de la circulation au sein de ces espaces publics, et en particulier de la rue. Et à chaque fois, en règle générale, va-t-on dire, les populations ciblées ont été des populations qui, à la fois, étaient pointé du doigt socialement et n'était pas en position politique d'avoir une défense telle qu'elle puisse faire valoir leurs droits et s'opposer à ces immixtions policières massives. Je donnerai quelques exemples. Les prostituées, dès la fin du XIXe siècle, sont sujets à des rafles très massives. Il y a un excellent ouvrage sur la question de Jean-Marc Berrière sur la police des mœurs sous la Troisième République, pour les personnes qui voudraient aller aux sources d'une certaine façon sur ces questions-là. Les homosexuels ont à un certain moment, jusque dans les années 70, été soumis à des rafles autour des lieux de sociabilité homosexuelle et dans un certain nombre de parcs, d'espaces publics. Plus fortement encore, on pourrait citer les vagabonds, qui étaient appelés clochards en règle générale et qui ont été raflés pour être mis de force, plus souvent que selon leur volonté, dans ce qu'on appelait des abris, etc. Donc on voit bien ici qu'on a un dispositif policier, une technique policière, qui n'a pas tellement varié dans le temps du point de vue de sa mise en œuvre, mais qui a varié du point de vue des populations ciblées. J'aurais pu citer les grandes rafles d'Algériens pendant la guerre d'indépendance algérienne, qui ont été un moment très marquant de l'utilisation de cette technique policière. Et donc, ce qu'on observe aujourd'hui du point de vue de la technique policière correspond tout à fait à ce qu'on appelle rafle, et ce qui est défini comme tel d'ailleurs par le Robert, tout simplement, par exemple. Alors, le problème, et il y a véritablement problème, vient du fait que les arrestations à domicile de personnes juives ou considérées comme telles pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont mené à l'internement et à l'extermination de beaucoup d'entre elles ont été désignées à partir de la fin des années 40 et du début des années 50 comme des rafles. Et donc, d'une certaine façon, alors même que pour le coup, on n'était pas dans la même technique policière, puisque j'ai bien parlé ici d'arrestation à domicile et non d'interpellation dans l'espace public. Et nous reviendrons sur cette question des arrestations à domicile, je pense, à propos des étrangers aujourd'hui. Donc on avait une technique qui n'était pas vraiment celle-là, mais qui existait aussi pour la Seconde Guerre mondiale, dans le sens où un certain nombre de rues étaient bloquées par des barrages et on faisait un certain nombre d'interpellations dans ce cadre-là. Quoi qu'il en soit, c'est le terme qui est resté et qui donc aujourd'hui renvoie en partie à une réalité qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, qui est celle de l'internement massif et plus encore de l'extermination massive. Ce qui fait que, d'une certaine façon, l'utilisation du vocable « rafle » est parfois dénoncée comme faisant un amalgame entre des situations qui ne seraient pas comparables. Alors même que je pense qu'il faut redonner à ce terme RALF, son sens technique, qui permet à la fois de comprendre que les techniques policières ont finalement peu évolué, et de prendre conscience cependant que selon les contextes, elles n'ont absolument pas les mêmes conséquences. Nous ne sommes pas dans la situation de l'été 42, du point de vue politique général, mais du point de vue de certaines pratiques policières, nous sommes dans cette même situation qui préexistait à l'été 42 et qui a continué après, et le grand intérêt est de chercher à comprendre qu'est-ce qui fait qu'une population peut devenir cible de cette technique policière. Alors la rafle est seulement un des outils de l'arsenal répressif qui est mis en place, qui existe aujourd'hui. Vous avez également évoqué les arrestations à domicile. Est-ce qu'on peut essayer de justement d'avoir une vision un peu claire de comment cet arsenal répressif prend forme aujourd'hui vis-à-vis des étrangers ? Alors, je ne sais pas si on pourra éclairer, parce qu'il faudrait sans doute des travaux très précis, ce qu'il fait qu'on a eu un retour ces dernières années de l'arrestation à domicile, qui reste quelque chose quantitativement extrêmement rare, mais qui a conduit à des situations dramatiques et qui, à juste titre, ont été médiatisées et dénoncées quand un sans-papier, par exemple, ou leur famille, des enfants notamment, en cherchant à échapper à ces arrestations, ont trouvé la mort. Des chutes, par exemple, qui étaient arrivées à Amiens, mais qui sont aussi arrivées à Paris à plusieurs reprises. Et donc, ce qui est important quand on parle de raidissement des pratiques policières, c'est que, à ma connaissance en tout cas, dans les années 1980 et 1990, les arrestations à domicile n'existaient pas. Tout simplement parce que c'est à la fois une technique très intrusive par rapport à la protection du domicile privé, donc il y a des questions juridiques, mais aussi parce que du point de vue du travail policier, c'est aussi une technique qui demande un investissement particulier, rechercher les domiciles, envoyer plusieurs personnes pour arrêter une seule personne à son domicile. Et il y avait aussi une tolérance sociale vis-à-vis de ce type de pratique qui n'existait pas et ne permettait que très difficilement la mise en œuvre de ce type de pratique. Or, nous avons assisté au retour de cette technique policière particulière qui marque bien un raidissement de cette relation, non pas entre la police et les étrangers, mais entre le pouvoir politique cherchant à imposer à tout prix le cadre des règles de droit en matière d'entrée et du séjour et des populations qui peuvent ne pas tout à fait rentrer dans ce cadre. Et justement, cette tolérance sociale dont vous parlez, elle aussi aurait évolué ces dernières années, c'est ça ? Alors là encore, on est face à un phénomène complexe et ambivalent, c'est pas un refus de répondre hein, du tout. Je vais essayer de donner quelques éléments, parce qu'on a d'un côté, d'une certaine façon, depuis au moins la fin des années 90, et sans doute beaucoup plus encore après le 11 septembre 2001, une politique d'affaissement, d'affaiblissement et de délégitimation des droits fondamentaux, qui apparaissent de plus en plus comme des droits formels qui empêchent la mise en œuvre de politiques publiques qui auraient une légitimité plus forte. Et d'une certaine façon, on le voit bien aujourd'hui sur le débat lié aux enfants, par exemple. Est-ce que les droits de l'enfant doivent primer les possibilités d'expulsion, par exemple ? On l'a vu à un niveau beaucoup plus général, autour des débats sur le droit de la guerre, autour des débats sur le retour de la torture. Donc on voit que ça ne touche pas que les politiques intérieures, mais que ça touche aussi le cadre international, les relations diplomatiques, cette sorte d'affaiblissement et d'affaissement même, d'une certaine façon, du socle des droits fondamentaux, qui s'était beaucoup enrichi, à la fois textuellement, par un certain nombre de textes internationaux, de conventions et de leur application nationale, mais aussi par la jurisprudence et par l'usage qu'en faisaient les militants, qui avaient permis de faire valoir ces droits, d'une certaine façon. Mais je pense pas qu'on puisse être simplement négatif, hein, tout simplement parce qu'on voit bien aussi que face à cet affaissement que j'ai essayé de décrire, il y a aussi des réactions militantes très fortes. Donc je serais bien en peine de dire s'il y a une tolérance sociale plus grande, moins forte, ou pas. Mais nous voyons aussi, par exemple, avec le réseau ROSF, que tous les auditeurs connaissent, je suppose, qu'il y a des réactions sociales très fortes qui sont liés justement à la réapparition, en tout cas à la visibilité plus grande, de techniques policières qui semblaient avoir disparu et qui paraissent particulièrement négatrices des droits des personnes les plus vulnérables, et aussi du fait de l'apparition d'une sorte de pression policière autour des établissements scolaires où se concentraient les personnes ciblées comme étant potentiellement en situation irrégulière du point de vue de l'entrée et du séjour. Vous êtes toujours sur FPP et après ce deuxième extrait d'une cantate d'Henri Chopin, on revient à l'entretien avec Emmanuel Blanchard du Gisti à propos du double numéro de la revue Plein Droit consacré à la police et les étrangers. Mais vous parlez justement de pratiques policières potentiellement négatrices du droit, mais ces pratiques policières en tant que telles, comme les contrôles d'identité ciblés dans la rue, s'inscrivent elles-mêmes dans un cadre légal assez flou, puisque le contrôle d'identité, il est régi quand même par par des lois assez précises qui interdisent notamment le contrôle au faciès. Mais par ailleurs, les policiers peuvent avoir des injonctions à repérer les personnes présentant des signes d'extranéité, ce qui semble un petit peu contradictoire comme injonction. Donc est-ce qu'on peut évoquer justement le cadre légal dans lequel s'inscrivent ces pratiques policières qui réapparaissent en ce moment? Oui, bien sûr, et vous avez surtout raison de rappeler que les infractions au droit ou les lectures, particulièrement liberticides du droit, ne sont pas le fait même des policiers, puisque d'une certaine façon, toutes les enquêtes de sociologie de la police montrent que le droit n'est pas au cœur du travail policier et que pour que le droit s'impose comme... comme référence à prendre en compte dans le travail policier, il y a nécessité qu'il y ait un contrôle très fort de ce travail policier et une injonction politique très forte, tout simplement parce que les policiers sont des travailleurs comme les autres, et qu'en situation, ils essaient de mettre en œuvre des routines, des pratiques qui ne sont pas textuelles, ici le texte pouvant être le droit, mais qui sont liées à des questions d'efficacité, de minimisation de la charge de travail, de la peine de travail, etc. Donc ça, c'est un premier point qui me semble particulièrement important. Le second point sur lequel j'irai rapidement, car je ne suis pas juriste et je ne voudrais pas travestir à la fois les textes et les interprétations, c'est la question du cadre légal, notamment du contrôle d'identité, puisque la première étape, en règle générale, du travail policier en direction des étrangers va passer par le contrôle d'identité. Or, il faut savoir que globalement, au moins depuis une vingtaine d'années, on a eu un relâchement considérable, à la fois un élargissement, plus qu'un relâchement pour être précis, un élargissement des possibilités de contrôle d'identité qui normalement étaient strictement encadrées, qui font que, bien sûr, même si il est aujourd'hui comme hier interdit de contrôler quelqu'un s'il n'y a pas eu un crime ou un délit de commis aux alentours immédiats, si on ne peut pas suspecter cette personne d'avoir commis ce crime ou ce délit. Il y a un certain nombre de dispositions qui font que, de fait, dans la rue, aujourd'hui, quasiment n'importe qui peut être contrôlé, et n'importe qui renvoyant, bien sûr, en général, à des populations relativement ciblées. Je m'explique en prenant deux exemples. Le premier, c'est que dans une ville comme Paris, vous avez de vastes zones aujourd'hui qui sont considérées comme des zones frontières. C'est-à-dire que la gare du Nord, Châtelet-Léal, qui sont des lieux de transit quasi obligatoires pour l'immense majorité des franciliens, sont aujourd'hui régis par les règles de l'espace Schengen et considérées comme des frontières internationales, tout simplement parce qu'elles sont connectées à des guerres... Lapsus peut-être révélateur à des gares internationales. Donc dans ces lieux, les policiers ont toute possibilité de mener des contrôles d'identité sur toute personne. Donc on a un premier point ici qui est extrêmement important. Le deuxième point, c'est qu'on a assisté depuis encore une fois sans doute une dizaine d'années à un élargissement considérable des réquisitions des procureurs donnant autorisation aux policiers pour mener des contrôles d'identité. En général, ces réquisitions devaient être ciblées sur des établissements, sur des espaces géographiques très précis, alors qu'on observe maintenant, et notamment les avocats, je fais référence ici à l'article de Christophe Pouli, il y avait aussi l'article de Nathalie Ferré dans son numéro, qui donneront beaucoup plus que moi des informations précises. Donc on observe, quand on cherche justement à contester ces contrôles d'identité, quand ils ont mené à des interpellations et très souvent des mises en rétention, on observe que les procureurs donnent des réquisitions générales sur tout un quartier pour 24 heures ou même une durée de temps beaucoup plus grande, sachant que ces réquisitions sont répétitives dans le temps, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui finalement très peu de freins au contrôle d'identité individuelle, au-delà même de la question de savoir qu'ils sont ou seraient discriminatoires ou pas. Enfin, juste un point technique peut-être. Est-ce que justement, quand on parle de contrôle d'identité, de rafle, est-ce qu'il y a une transmission d'un certain savoir-faire, entre guillemets, de la police? Est-ce que il y a eu des études sociologiques, ethnologiques, je ne sais pas, sur comment se comportent les flics, enfin les policiers, comment ils transmettent aux plus jeunes peut-être la façon dont ils procèdent? Est-ce qu'il y a un encadrement, une façon de faire qui est transmise, et est-ce qu'il y a eu une évolution à travers le temps, par exemple depuis 50 ans? Ce qui est sûr, c'est que toutes les polices ne se comportent pas à l'instar de la police française. Nous sommes quand même dans un cadre qui est relativement spécifique, dans le sens où il y a dans le premier numéro de plein droit un article de Jérémy Gauthier sur Berlin, qui montre très bien, et au-delà de cet article, ses autres travaux montrent très bien que pour un policier berlinois, et sans doute plus généralement un policier allemand, il est inenvisageable de contrôler les papiers d'une personne simplement pour essayer de faire peser sur elle une certaine pression policière. Ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers aujourd'hui, où toutes les enquêtes, comme vous l'avez souligné, ethnographiques, montrent que des individus peuvent se faire contrôler quasiment chaque jour, alors même que leur identité est contenue, tout simplement pour montrer une relation de dépendance, d'une certaine façon, une relation d'autorité, qui pèse au travers de ces contrôles d'identité. Pour un policier français, et ce ne serait pas le cas non plus, par exemple, pour un autre cas que je connais un peu, pour un policier britannique, cela fait partie de sa routine professionnelle que de demander à un individu, suspect ou pas, en tout cas un individu avec qui il veut rentrer en relation, d'une certaine façon, cette interaction étant marquée par l'autorité et une certaine violence symbolique, hein, de lui demander ses papiers. Alors même que ce fait de contrôler l'identité devrait normalement être une situation exceptionnelle, liée et encadrée, soit par la commission au moins putative d'une infraction, et un certain nombre de procédures spécifiques, celles du code de procédure pénale par exemple. Or, ce n'est absolument pas le cas pour l'immense majorité des policiers aujourd'hui, grâce justement aux grandes possibilités ouvertes par le droit de contrôle d'identité et la difficulté de contester ces contrôles, le contrôle d'identité fait partie véritablement des techniques routinières, hors des moments où ils sont prévus, par exemple les contrôles routiers qui sont aussi diligentés par le procureur de la République et les cadres juridiques dont nous avons déjà parlé. Vous parlez de la difficulté de contester les motifs du contrôle d'identité. Il y a notamment un article sur cette question, sur le fait que la parole du policier fait foi, notamment c'est le policier qui va rédiger le procès-verbal de l'interpellation et le procès-verbal ensuite du contrôle d'identité en tant que tel, de la garde à vue éventuellement, etc. Et les étrangers et toute personne en général ont très peu de possibilités devant le juge de contester ces procès-verbaux, et donc très peu de recours en fait face à la parole policière, ce qui induit un déséquilibre quoi dans la représentation devant la justice. Oui, nous ne sommes pas égaux juridiquement au sens strict, dans le sens où face à un tribunal, le policier est un personnel assermenté, tandis que celui qui met en cause une interaction avec un policier n'est lui pas assermenté et a une parole de simple citoyen. Donc là, il y a une inégalité des armes qui renvoie tout simplement à l'état du droit, mais qui renvoie aussi au fait que l'institution judiciaire dans son ensemble peut difficilement dédier la parole policière, même si on insiste toujours sur les concurrences qu'il y aurait entre l'administration judiciaire, entre la justice et la police, il faut quand même bien avoir en tête que le travail des juges et de l'ensemble de la chaîne judiciaire, de l'ensemble de la chaîne pénale, repose sur leur bonne coopération avec l'institution policière, qui est celle qui va alimenter l'ensemble de la chaîne judiciaire et plus généralement de la chaîne pénale, en tout cas pour les domaines qui nous intéressent aujourd'hui. Et donc, pour un juge, dédire la parole policière, essayer de mettre en cause à, non pas l'institution dans son ensemble, mais au moins certains de ses agents dans un contexte particulier. C'est aussi, sans doute, casser les collaborations professionnelles qui sont absolument nécessaires au bon déroulement du travail quotidien et à sa possibilité même de juger, d'une certaine façon. Donc il ne peut le faire, autant qu'il veuille le faire, qu'à condition d'avoir affaire à des faits suffisamment graves, avec suffisamment de preuves qui lui permettent justement d'aller à l'encontre de l'interprétation policière, sans pour autant se couper de cette institution dont il a absolument besoin. Claustrophobie, dans un tube de 2 mètres de long et de 60 cm de diamètre. Et pas conséquent. Claustrophobie, dans une pièce de 2 mètres sur 2 mètres. Et pas conséquent. Claustrophobie, dans un parallélépipède de 20 mètres cubes. Et par conséquent. Claustrophobie dans un appartement de 80 mètres carrés. Et par conséquent. Claustrophobie dans une ville de 20 hectares. Et par conséquent. Claustrophobie dans un pays de 200 000 km carrés. Et par conséquent. Claustrophobie dans une île. Et par conséquent. Claustrophobie sur un continent. Et par conséquent. Claustrophobie. Vous êtes toujours dans La Tempestive et c'était Claustrophobie de Julien Blaine. On retourne à l'entretien avec Emmanuel Blanchard du Gisti à propos de la police et des étrangers. Ça évoque une question qui est d'ailleurs assez peu traitée en réalité dans ce double numéro. C'est également la question des violences policières et le fait que les étrangers, plus que d'autres parties de la population, ils sont plus sujets. Il y a eu le cas récemment d'Aliziri, notamment. Il y a eu d'autres cas récemment. Est-ce que le fait que vous n'ayez pas tellement traité ce sujet, c'est parce qu'il n'y a pas tellement d'études sur la question, ou bien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Non, c'est sans doute parce que la violence extrême qui a cours dans certaines interactions policières est sans doute finalement celle qui est la plus dénoncée à juste titre par le monde militant auquel nous appartenons. Et donc nous avons inconsciemment peut-être considéré qu'il fallait mettre l'accent sur d'autres types d'interactions. Mais vous avez tout à fait raison de souligner que les violences policières extrêmes ciblent plus particulièrement les étrangers que d'autres populations. Ça me permet d'insister sur le fait ici que nous sommes dans un continuum, d'une certaine façon, entre le fait que vis-à-vis d'un certain nombre de populations, on peut s'affranchir d'un certain nombre de règles, on peut leur appliquer une force physique sans doute plus importante du fait de leur plus grande difficulté à faire valoir leurs droits, qui amène in fine, parfois à des violences telles que la violence d'État se transforme en mort d'homme, ce qu'on appelle dans le langage courant sous le terme de bavure, qui rend mal compte du fait que finalement c'est une conséquence d'un travail policier relativement normal et relativement routinier, mais avec une intensité plus forte dans un moment précis pour des raisons qui peuvent varier. Cela me permet aussi de rappeler qu'aujourd'hui, la reconnaissance de ces violences policières, et je ne parle pas de celles qui ont eu pour conséquence des dommages physiques graves ou même la mort de la personne en question, les violences policières, en général, sont très difficiles à mettre au jour devant les tribunaux parce que, d'une certaine façon, les personnes qui se plaignent sont elles aussi l'objet de plaintes. Puisque la technique en retour de l'institution policière, et ça a bien été montré par un des contributeurs à ce numéro, Fabien Jobard, est l'utilisation de l'outrage. Et d'une certaine façon, l'outrage est utilisé comme une technique de défense a priori pour que soit signalé devant le tribunal que s'il y a eu problème, à l'origine du problème, il y avait sans doute la violence, au moins verbale, de l'interpellé lui-même. Puisqu'on parlait justement de cas un peu extrêmes, on peut peut-être prendre le temps d'évoquer l'article qui a été fait par Rémi Carayol sur la situation à Mayotte, puisque Mayotte donc, est un territoire français où, les relations entre la police et les étrangers et le droit des étrangers de manière plus générale est dans un état assez catastrophique. Est-ce que vous pouvez nous... Parce que bon, on parle de rafles en France, à Mayotte, ça prend une violence encore plus forte. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu la situation là-bas? Oui, alors la situation est très bien décrite par Rémi Carayol, qui, je pense, sera d'accord avec moi pour dire que pour comprendre Mayotte, il faut se rappeler que nous sommes dans un contexte de situation coloniale. Post-coloniale, peut-être, mais sûrement dans la trajectoire d'une île qui a fait partie intégrante et fait sans doute toujours partie intégrante de l'espace colonial français, c'est-à-dire d'un espace où depuis plusieurs siècles, et depuis plus d'un siècle et demi en ce qui concerne Mayotte, le droit a été différent de celui des espaces métropolitains, et l'usage de la force a été complètement différent aussi de celui de l'espace métropolitain. Et je ne suis d'ailleurs pas en train de signifier qu'il faudrait qu'il y ait égalité juridique entre ces territoires, parce que l'égalisation juridique est aussi un des moyens, d'une certaine façon, de coloniser, si on revient à cette période historique. Quoi qu'il en soit, quel que soit le cadre juridique, aujourd'hui, les atteintes aux droits fondamentaux des individus, notamment ceux qui sont défendus par le droit international, sont beaucoup plus quotidiennes et beaucoup plus aiguës encore à Mayotte que ce que nous pouvons connaître dans les quartiers et les villes de France métropolitaine. Par exemple, les arrestations à domicile ne sont pas l'exception, mais sont quasiment la règle. L'encerclement de quartiers entiers est une réalité, elle aussi, quotidienne. Le fait que des enfants soient enfermés sans leurs parents est aussi une réalité qu'on ne connaît pas sous nos latitudes. Je pourrais multiplier les exemples. Les niveaux de violence physique sont aussi beaucoup plus forts. Les conditions de rétention sont encore bien plus dégradées, ce dont avait rendu compte un article de Rémi Carayol dans Libération. Bon, voilà. Si on s'intéresse maintenant du point de vue interne à la police, est-ce qu'on peut évoquer comment prend forme ce qu'on a nommé la politique du chiffre? Comment est-ce que les injonctions de l'État de faire une chasse aux étrangers, comment est-ce que ça prend forme et comment est-ce que ça se transmet? Pourquoi est-ce que les ordres se transmettent au sein de la police? Et puis, dans un deuxième temps, est-ce qu'il y a des réticences, des différences de comportement au sein du corps policier? Pour essayer de comprendre cette réalité du travail policier, nous devons faire appel à la sociologie du travail, telle qu'elle est pratiquée notamment dans ce numéro par Christian Mouana, et bien nous rendre compte que les policiers, comme de plus en plus de personnel, sont soumis à des évaluations qui, de plus en plus, sont des évaluations chiffrées. Et donc, dans l'effet de ciblage des populations étrangères, je distinguerai deux logiques. Une logique endogène au travail des agents de la base eux-mêmes, et une logique exogène qui est liée au mode d'évaluation et aux priorités politiques affichées. La logique endogène du travail policier, si on veut la résumer, c'est une logique de minimisation de la peine et de maximisation des résultats, d'une certaine façon, qui, sans qu'on ait besoin de faire appel aux catégories de racisme ni même de discrimination, conduit les policiers à avoir une surveillance plus forte et un contrôle plus fort de certaines populations, et en particulier un certain nombre de ceux qu'on appelle aujourd'hui les minorités visibles, parce que tout simplement, en termes probabilistes, il y a plus de chances qu'ils aient ou soient en voie de commettre un délit. Tout simplement parce qu'une partie d'entre eux sont dans une situation administrative spécifique qui fait qu'il y a des délits qui leur sont propres, les délits liés à l'entrée et au séjour, et que beaucoup sont dans une situation sociale qui font qu'ils font partie de cette clientèle policière habituelle des ce qu'on appelait autrefois le sous-prolétariat, les personnes qu'on dit aujourd'hui en situation d'exclusion sociale, même si le terme n'est pas forcément satisfaisant, qui conduit à ce qu'ils sont surreprésentés dans un certain nombre de petits délits et dans une délinquance quotidienne qui aujourd'hui est celle qui fait l'objet de toutes les attentions policières. Et si elle fait l'objet de toutes les attentions policières, ce n'est pas en raison d'une préférence policière pour ce type de délit, bien au contraire. Tout policier vous dira qu'il préfère mettre l'accent sur les belles affaires, la grande criminalité, etc. Mais ce n'est pas l'agenda prioritaire qu'il aurait fixé. Ce qui me permet de faire la transition avec la logique que j'ai qualifiée d'exogène, c'est qu'indépendamment de ces modes de travail, de ces modes de faire des agents au niveau de la rue, il y a le fait qu'aujourd'hui, ils sont tous jugés impérativement sur un certain nombre de chiffres, dont celui du nombre d'expulsions annuelles. Un chiffre qui, d'une certaine façon, est très facile à atteindre, puisque, pour utiliser un langage démographique parfois déshumanisant, le stock de travailleurs sans papier, plus généralement de sans papier aujourd'hui sur le territoire français, est très très largement supérieur aux chiffres annuels demandés, et qu'en plus une grande partie de ceux qui sont expulsés reviennent. Donc on a un chiffre qui politiquement est très porteur, parce qu'on peut l'afficher, même on l'affiche en augmentation tous les ans, 25 000 expulsions, 27 000 aujourd'hui, en sachant qu'en mettant un petit peu de pression sur l'organisation policière, elle pourra atteindre ce chiffre. Ce qui permet donc au pouvoir politique de dire « nous faisons des promesses, nous fixons des objectifs, ils sont atteints ». Simplement, ce chiffre est atteint à condition que la base policière continue d'aller dans ce sens, mais elle est aussi évaluée, en partie rémunérée sur ces chiffres, et sachant que même avec cette pression, cela ne représente pas encore une grande partie du travail quotidien des policiers. Ils peuvent accepter justement ces injonctions parce que finalement, sauf dans un certain nombre de cas, ces objectifs sont atteignables sans tout à fait sacrifier le reste du travail policier. Même si de plus en plus, un certain nombre de policiers se plaignent que cette focalisation sur la police des étrangers, et en particulier le nombre d'expulsions, les oblige à faire ce qu'ils appellent un sale boulot et les oblige à négliger ce qu'ils considèrent comme être leur véritable mission. Et ça renvoie, il me semble, à la deuxième partie de votre question, qui est celle, est-ce qu'il y a des résistances à l'intérieur du monde policier contre ce type d'injonction ? Des résistances. Oui. Des résistances. Oui, je parlais de résistance au sens plus de la sociologie du travail, mais vous avez raison. Ce n'est pas forcément des discours affichés. Ouais. Et justement, je pense qu'on peut répondre sur deux plans. Le premier, c'est qu'on a les freinages qu'on observe dans toute activité de service ou même toute activité industrielle d'une base par rapport aux objectifs qui sont affichés par ceux-là qui l'encadrent, la dirigent, la notent. Et d'une certaine façon, les policiers n'échappent pas à ce type de comportement où il peut y avoir des tentatives de traîner les pieds, par exemple, mettre l'accent sur d'autres priorités, parce qu'il faut savoir que dans la rue, un policier est véritablement maître de son travail, dans le sens où il y a suffisamment de délits potentiels et suffisamment de règlements non appliqués pour qu'il choisisse lui-même ceux sur lesquels il va mettre l'accent, ce qui va passer en des négociations, des interactions. Donc ça, c'est le premier mode de disjonction par rapport aux objectifs managériaux, d'une certaine façon, mais qui sont aussi des objectifs politiques. Le second mode, ce serait plus sur un mode de résistance, entre guillemets, presque politique, c'est des prises de parole contre ce type de politique, qui sont advenues à plusieurs reprises ces dernières années, notamment par l'intermédiaire de délégués syndicaux, mais délégués syndicaux qui, en dépit de la protection de leur mandat, ont quand même été sanctionnés, parce qu'il y a là, pour le pouvoir politique actuel, un cœur de la politique régalienne, celle qui est mise en évidence, mise en spectacle, même d'une certaine façon, et qui ne doit donc pas être contredite par la base policière. Mais il semble quand même que, par exemple, si les arrestations autour des écoles sont devenues moins nombreuses par rapport à il y a un an ou deux, c'est bien sûr dû au travail, par exemple, du réseau Éducation sans frontières, c'est bien sûr dû à un certain nombre d'incidents qui ont eu lieu autour de certaines écoles, c'est-à-dire des personnes qui sont intervenues d'elles-mêmes, mais c'est sans doute aussi dû au fait que les policiers eux-mêmes étaient, pour beaucoup d'entre eux, absolument pas d'accord pour pratiquer ce type d'interpellation, et que finalement on a une conjonction. Mais là, justement, ces formes de réticence, elles ont pu trouver dans un pays comme les États-Unis une expression plus formelle et pour le coup qui en arrive à une résistance plus organisée, puisque sous l'administration Bush, qui avait un petit peu les mêmes directives que l'administration actuelle en France sur les étrangers. Quand l'administration Bush demandait de faire du chiffre sur la chasse aux clandestins, un certain nombre de villes, de police de policiers dans certaines villes, ont déclaré la ville Sanctuary City, quoi. C'était une ville sanctuaire. Dans cette ville, ils affichent clairement, on refuse d'appliquer les directives nationales en termes de chasse aux étrangers. Ce genre de choses, ça n'a pas l'air du tout de prendre forme en France pour l'instant. Oui, mais nous ne sommes absolument pas dans le même contexte institutionnel, dans le sens où en France, nous avons une police étatique. Alors qu'aux États-Unis, nous avons des polices qui sont organisées avant tout au niveau des villes, et donc qui sont des polices municipales, mais pas au sens où on entend police municipale en France, ou organisées au niveau des comtés, voire des États. Donc des phénomènes de disjonction entre le local et le national sont tout à fait possibles en raison de l'organisation institutionnelle. Et ça nous renvoie à cette spécificité française relativement récente, parce que l'étatisation totale des polices, faudrait aussi revenir là-dessus, mais d'une certaine façon, l'étatisation totale des polices ne date que de 1941. Et depuis, nous avons donc une police qui est bien plus au service du gouvernement que des communautés locales, ce qui a été bien mis en évidence par un certain nombre de travaux sociologiques, et derrière l'idée qui aujourd'hui en France semble faire consensus qu'une police républicaine doit être une police nationale, il y a l'oubli qu'une police au service des citoyens passe souvent par une police organisée beaucoup plus localement, puisque de fait devant beaucoup plus tenir compte dans ce cas-là, du fait des mécanismes d'élection, réélection, des élus locaux, qui peuvent mener à certaines formes de clientélisme, et là-dessus, aucun problème, mais qui obligent à prendre en compte l'espace urbain, la ville, les populations dans leur ensemble, comme participant, justement, de cette interaction avec la police. Or, s'il y a bien une spécificité française, et si on sort du cas des étrangers, mais par rapport à l'ensemble du policing, l'ensemble des pratiques de police, c'est bien le fait que les attentes des administrés ne soient absolument pas prises en compte. Tout simplement parce que l'organisation institutionnelle permet de ne pas prendre en compte ces attentes des administrés, puisque le policier est très directement rattaché au gouvernement et à la puissance publique, voire au pouvoir politique, tout simplement, national. Thank you. C'était un extrait de Sud de Jean-Claude Risset. Et toujours dans l'intempestif sur Fréquence Paris Pluriel, on retourne à l'entretien avec Emmanuel Blanchard du Gisti à propos du double numéro de la revue Plein Droit sur la police et les étrangers. Mais justement, ces attentes institutionnelles, c'est aussi une question importante quand on veut se réfléchir sur la police et les étrangers, puisque tout ce que vous nous avez décrit là jusqu'à présent, ça obéit. Enfin, est-ce qu'on peut dire que ça obéit à des finalités précises? Est-ce qu'il y a une réflexion de la part du gouvernement pour choisir d'orienter justement l'action policière à l'égard de ces étrangers? Est-ce que, enfin, pourquoi ce comportement? Pourquoi ces dénonciations que l'on peut faire du travail policier par rapport justement à un discours gouvernemental? Peut-être que ma réponse va être très générale, mais il me semble qu'aujourd'hui, une des grandes préoccupations des pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, et sans doute en particulier du pouvoir incarné par Nicolas Sarkozy, c'est d'essayer de montrer qu'en dépit de la mondialisation, en dépit de flux économiques et financiers qui obéissent à des logiques supranationales aujourd'hui, ils ont des marges de manœuvre et ils ont un véritable pouvoir souverain. Et ce pouvoir souverain peut très facilement être redémontré, administré au sens d'administrer la preuve, mis en spectacle, comme je vous le disais tout à l'heure, par un accent mis sur des populations d'une certaine façon captives, qui sont ces populations d'étrangers sans papier ou d'étrangers cherchant à rejoindre le territoire et qui sont dans des situations de relatif dénuement du point de vue de leur capacité d'agir politiquement et pour lesquelles on peut fixer des objectifs et des politiques qui à la fois sont visibles et atteignables. 25 000 expulsions par an, c'est très facile à fixer et c'est relativement facile à atteindre. Construire un mur entre le Mexique et les États-Unis, ça permet de montrer qu'on essaie encore d'avoir un pouvoir au niveau international, que la notion de frontière existe encore aujourd'hui. Ça a sans doute très peu d'effet, mais ça a une visibilité qui montre que le pouvoir politique agit. Donc il me semble qu'on est vraiment ici à un niveau très général et qui dépasse ce simple contexte français, où en plus, il ne faut pas l'oublier, on a quand même un président de la République qui a construit sa carrière de présidentiable sur ses années de ministre de l'Intérieur. Donc effectivement, il ne peut absolument pas abandonner ce type d'objectif qu'il a construit comme le crédibilisant comme homme d'État. Donc il est sans doute encore plus que d'autres pris dans cette nécessité de spectaculariser, de désigner, de montrer du doigt et d'avoir une action policière qui, et les policiers en ont parfaitement conscience, hein, est souvent agitation, ce qui s'est passé autour de Sangatte nous l'a montré à moult reprises, mais une agitation qui finalement est un des derniers fondements d'une légitimité politique quand elle peine à s'incarner dans d'autres objectifs, notamment plus sociaux, plus économiques. On peut peut-être évoquer en conclusion deux derniers faits, un fait d'actualité qui est le démantèlement de la CNDS. Vous l'évoquiez, vous évoquez à travers les numéros de Plein Droit la question de la CNDS, mais à un moment où elle existait toujours, mais où dans l'article était dénoncée son inefficacité, enfin inefficacité construite hein, naturellement de cette CNDS. Et deuxième chose, l'embrigadement, l'enrôlement des services sociaux, dont le rôle n'est pas du tout de jouer le même rôle que celui de la police, du moins voilà, dans leur normalement quoi, et qui sont embringués dans cette même politique du chiffre. Est-ce qu'on peut rapidement aborder ces deux questions? Oui, alors d'abord peut-être sur la CNDS, et nous reviendrons ensuite sur cette question du lien entre travail social et travail policier. La CNDS, qu'elle existe ou qu'elle soit malheureusement vouée à disparaître, fait partie de ces exceptions françaises dans le sens où dans la plupart des autres pays, nous avons un organe indépendant de contrôle des polices qui est beaucoup plus puissant que ne l'a jamais été la CNDS et dont nous ne pouvions que souhaiter que d'une certaine façon elle augmente ses prérogatives, alors même que le peu qu'elle avait va être sabré. Et là, ça renvoie encore une fois à cette vision d'une police qui, dans le cas français, pour les sociologues et les historiens anglo-saxons, c'est particulièrement clair, est perçue comme complètement attachée au pouvoir politique, au gouvernement, et non pas aux citoyens. Sur la seconde question que vous posiez, on est dans une autre problématique, d'une certaine façon. Est-ce que la police est la seule administration chargée des pouvoirs de police, ou est-ce qu'un certain nombre d'administrations sont aussi chargées de pouvoirs de police? On ne pourra pas répondre à cette question simplement en quelques minutes, mais il faut bien avoir à l'esprit que d'un point de vue historique, l'emprise de la police sur un certain nombre de populations est passée par le fait qu'elle fournissait certains services sociaux à ces populations. C'est-à-dire que pendant longtemps, les foyers de SDF étaient tenus par la police, était-ce un service social? Mais c'était le seul service social qui leur était destiné, d'une certaine façon. L'encadrement des étrangers, et notamment des colonisés, est passé historiquement, dans l'entre-deux-guerres notamment, par des services qui mêlaient attribution sociale et attribution policière au sein du même service, avec des policiers qui étaient à la tête de ces services. Et ce à quoi on a assisté après la Seconde Guerre mondiale, c'est d'une certaine façon à l'autonomisation des services sociaux, à l'autonomisation du travail social, fondée sur une autre éthique, fondée sur d'autres règles juridiques, fondée sur une formation propre, et d'une certaine façon, un rétrécissement du travail policier sur des prérogatives de plus en plus répressives, liées au contrôle, voilà. Simplement, pour la police, perdre ses prérogatives sociales, assister à l'autonomisation grandissante d'un certain nombre d'autres professions, c'est perdre des capacités de renseignement très fortes, des capacités d'information, des capacités d'entrer en contact avec, avec un certain nombre de populations. Donc il y a toujours la volonté de faire de ces travailleurs pour retrouver prise sur un certain nombre de populations, au moins en termes d'informations, sur lesquelles la police n'a plus contact. Or, ces dernières années, il semble que, notamment au travers du secret professionnel des travailleurs sociaux, on a eu aussi un nouveau raidissement, de ce point de vue-là, et la volonté, de plus en plus, de faire en sorte qu'il faille obliger un certain nombre de personnes à informer la police, qu'il faille de plus en plus interconnecter un certain nombre de fichiers pour redonner aux administrations policières des capacités d'information et d'action qu'elles ont perdues en perdant le contact aussi avec une partie de la population. Mais voilà, on n'a plus le temps de parler des quels modes de résistance. J'espère qu'il y aura un numéro de plein droit sur cette question-là prochainement. Sans doute. Merci beaucoup, Emmanuel Blanchard. C'est moi. Je vous remercie. C'était donc un entretien avec Emmanuel Blanchard du JISTI à propos du double numéro de la revue Plein Droit consacré à la police et les étrangers. Vous pouvez vous procurer ce double numéro et retrouver des articles directement lisibles en ligne sur le site du JISTI www.jisti.org. Quant à cette émission réalisée avec Guillaume Yom, elle sera rediffusée mercredi prochain à 10h sur FPP et puis elle restera disponible en ligne sur www.intempestive.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.